Bonjour, chères auditrices, auditeurs de Radio Boncon. Bienvenue dans cette nouvelle séance de méditation. Tu n'es pas sans savoir qu'aujourd'hui est un jour tout particulier. En effet, c'est la Janguille. C'est pourquoi je t'emmène là où on célèbre cette fête comme personne, là où tout a commencé. Je t'emmène dans le petit village de Kaiserberg. Installe-toi confortablement, ferme les yeux et suis ma voix. Tu te réveilles dans la pénombre de ta petite chambre mansardée. Quelques rayons de soleil filtrent à travers les volets, illuminant au passage des millions de petits grains de poussière en suspension. Tu les contemples un instant. Au loin, tu entends un air d'accordéon que couvre presque la rumeur joyeuse d'une foule vrombissante. Tu t'étires voluptueusement sous ton gros édredon en plume et bâilles sans retenue. Prends le temps de savourer la sensation de bien-être que cela te procure. Une bonne odeur de pain chaud vient te chatouiller les narines et t'ouvre l'appétit. Puis tu réalises tout à coup qu'aujourd'hui, c'est la Janguille et ton cœur bondit dans ta poitrine. Saisi d'une énergie soudaine, tu rejettes tes draps et tu te lèves plein d'entrain. Sous tes pieds nus, tu sens la douceur du vieux parquet poli par l'usure. Tu te diriges vers ta fenêtre et ouvres grand tes volets. Un grand soleil t'éblouit et tu es cueilli par une joyeuse clameur. Sous tes yeux s'étend la place du village, où se déploient des centaines de fanions bariolés, sous lesquels se presse une foule tout aussi chamarrée. Tout le village s'est réuni, non pas autour de grands menhirs, mais pour célébrer la Janguille. Les habitants ont revêtu leurs plus beaux costumes, et plusieurs grandes tables ont été installées, donnant à la scène des allures de banquet. Savoure ce tableau un instant. À présent, tu te diriges vers ta grande armoire en bois et tu y attrapes ton costume préféré. Enfile-le et observe-toi dans un miroir. Imagine à quoi ressemble ton reflet. Ne pouvant plus contenir ta hâte de te joindre aux festivités, tu ouvres grand ta porte et tu t'élances sans plus attendre dans tes escaliers. Tu traverses ta cuisine en glissant sur le carrelage et ouvres grand ta porte d'entrée. Et tu débouches enfin sur la place du village. Tu te mêles à la foule, sans but précis, en admirant les costumes qui t'entourent. Tu aperçois des têtes familières, tu serres des mains amicales, tu échanges de chaleureuses étreintes. Tous les visages arborent les mêmes sourires éclatants. Et ça te remplit d'une grande joie. Un air populaire entêtant accompagne ta déambulation. Il provient de l'orchestre qui joue avec un entrain communicatif. Tu aperçois plus loin une bavaroise circuler de table en table avec un grand panier rempli de belles miches. Tu te ferais un chemin jusqu'à elle, évitant de justesse une bande de gamins surexcités qui courent après un chien en rigolant. Le chien est affublé pour l'occasion d'un serre-tête à bois de serre. Un serre-tête, somme toute. Bien sûr, tu ne peux pas l'entendre, mais à l'écrit, c'est un jeu de mots très amusant. Tu attrapes donc un petit pain dans le panier de la belle bavaroise. et tu t'assois à une des tables où tu es accueilli par des exclamations enjouées. On te sert une pinte de bière fraîche, dont tu bois volontiers une grande rasade, et on te tend un petit pot de beurre. Tu te concentres sur ton petit pain. Sous tes doigts, la belle croûte dorée est encore chaude, et il s'en dégage une odeur exquise. Tu le saisis de tes deux mains, et tu le romps lentement, en regardant apparaître au grand jour la belle mie bien épaisse qui s'y cachait. Tu en prends un gros bout et l'enfournes dans ta bouche avec délice. À l'aide d'un couteau à bourron, tu étales du beurre bien jaune sur ton pain et tu croques dans ta tartine à pleines dents. Le beurre est salé comme tu aimes. Tu te régales. L'orchestre se met alors à jouer la chanson préférée des villageois. Et tout le monde se met à chanter. Avec ses bras trop courts, il ne peut pas tartiner ses petits baguets grillés. Quel malheur pour Jean Guy, avec son délicieux beurre, il ne commettra jamais le bonheur. Pris d'une furieuse envie de danser, tu montes sur la table et tu sautilles allègrement, les mains sous les aisselles. Tes pieds claquent en rythme sur la table, faisant gicler les bières qui y sont posées. Chantez avec nous la Jean-Jean, la Guiguille, la Jean, la Gentille. Chantez avec nous la Jean-Jean, la Guiguille, la Jean, la Gentille. Tu es rapidement imité par tous ceux de ta table. Même la mère Poulard, du haut de ses 92 ans, est de la partie. Tu éclates d'un grand rire et danses de plus belle. Concentre-toi sur l'exaltant sentiment d'euphorie qui t'habite. Pense au bien-être que te procure ce sentiment d'appartenance à ce joyeux bordel. Tu peux maintenant rouvrir les yeux en gardant à l'esprit le bonheur de ce moment de partage. Bonne journée et joyeuse Jean-Guy à toi. Sur Radio Bon Coup.